qui c'est qui a mis un Rising the Cone of Silence? Non, je veux pas de Rising Cone of Silence, moi. Je change.